Baiser, écrit et narré par Mia alias Mia QC. Je sors avec Mina Chan depuis peu de temps, mais à chaque fois qu'elle m'embrasse, je rougis.